sûr de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Vous êtes bien sur RKB pour Hind à Brezonek. Comme d'habitude, on commence par Gariou Arvué. Aujourd'hui, l'émission Trihand Trizek à Trihugen. Voilà, 373. 373, je ne me suis pas trompée ce coup-ci. C'est bien. Alors, quel mot on voit aujourd'hui, Henri ? Alors aujourd'hui, c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Je suis parti d'un mot français que j'ai voulu traduire, parce que c'est le mot « ethnocide ». Donc oui, c'est un peu d'actualité, là, puisqu'il y a un ténor politique du Finistère qui a relancé un petit peu la propagande pour l'ethnocide, quoi. Et je me suis dit que c'était intéressant d'en parler, parce que souvent dans mes chroniques... J'ai envie de parler de ça, enfin l'ethnocide qui se déroule sous nos yeux en Bretagne. Et il y a dans le dictionnaire de Favreau, là, il y a un mot qui est l'askennel. Nous, on dirait l'arkennel, hein, puisque le tuer, on dit l'ar, hein, ici. Hein, le ZH, on prononce re par ici. Mais kennel, c'est la nation, donc ce serait la mise à mort de la nation. Je trouve que c'est un peu fort, ça fait un petit peu génocide. Et donc je me suis souvent interrogé pour savoir comment on pourrait traduire le mot ethnocide. Alors tu nous as inventé un mot, Henri. Oui, alors j'ai déjà à dire définir un petit peu ce que c'est que l'ethnocide, hein. Donc ça vient du mot ethnos, hein, qui est l'un des mots qui désigne le peuple en grec. Il y en a un autre, c'est demos, hein, qui est plutôt le peuple au point de vue politique, hein. Ici, c'est ethnos, ce qui a donné l'ethnie, hein, par la suite. Donc, dans le Petit Robert, la définition de l'ethnocide, c'est « destruction de la civilisation d'un groupe ethnique par un autre groupe plus puissant ». Ça correspond tout à fait à ce qui se passe. Et il y a un autre mot qui est un mot qui est « acculturation », qui a un sens assez voisin. Et alors, donc j'ai trouvé dans le Petit Robert aussi, d'abord que c'est un mot anglais au départ, acculturation, bien sûr d'origine latine, mais qui a été forgé en Angleterre. Donc, on dit processus par lequel un groupe humain assimile tout ou partie, en fait, des valeurs culturelles d'un autre groupe humain. C'est-à-dire que l'acculturation, en fait, c'est plutôt vu de celui qui est assimilé. Et on donne comme exemple, c'est assez amusant, l'acculturation des Amérindiens. Parce que les exemples qu'on donne sont toujours ailleurs, bien entendu. On n'imaginerait pas que ça puisse se passer chez nous. Voilà. Et pourtant, la France a un lourd passé dans cette affaire-là. Non seulement en Europe, mais à l'extérieur aussi, quoi. Alors donc, j'ai choisi d'appeler ça l'ars et venadur, parce que c'est la destruction de la culture plus que la destruction de la nation. D'ailleurs, il n'y a pas de nation véritablement bretonne reconnue, en tout cas, puisqu'il n'y a pas d'État. Donc, j'ai trouvé que... Alors, parfois, je dis aussi un distruge zévenadurel, quoi, la destruction culturelle. Alors, on peut dire l'ariès aussi, quand il s'agit de la langue, donc l'assassinat de la langue, en fait, quoi. Voilà. Alors, sur l'ethnocide, je vais pas m'étendre plus longtemps. Il faudrait beaucoup de temps pour en parler, quoi. Peut-être qu'on aura l'occasion, parce que il y a eu dans cette interview donc par Ouest France de cet éminent homme politique du Finistère, il y a eu quelques arguments d'avancée qui sont les mêmes que ceux qu'on retrouve depuis 200 ans, depuis l'époque de la Terreur, et même on pourrait remonter plus loin jusqu'à l'abbé Grégoire, par exemple. On retrouve toujours la même justification de l'ethnocide. Donc peut-être qu'un jour on ferait une émission un petit peu plus longue sur l'ethnocide. En tout cas, l'ars et venadur, ça me va bien. Très bien. On s'arrête là, alors? On va s'arrêter là et on va passer donc à la deuxième partie, Brezon de temps battant. Merci, Henri. Brezon de temps battant. Alors Henri, on va où aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on retourne à Zandtolk et on va écouter les vœux de la mairesse, donc devant ses concitoyens, comme chaque année. Et donc on est allé et avant de boire un coup, on a enregistré la mairesse. D'accord, Mike Arménet. Mike Arménet. Tout Zandtolk m'a mignonne. Kals obligeard d'urmeus au tigemer honor ban tiker et vid ur blaneve. Blavzmat et la rondar tout. Vite ur blaneve, ur bla dauvil triz. Blavzmat dere a zo o chom amant, boapel zo, adere zo neved e rud bazantolek. Blavzmat d'an tadou koz, d'an mamiou goz, d'an tadou ader mamiou de vugale, dere yamank, dere goz, adere zo trendau. Blavzmat de labourer yon doua. D'an dut wao micha, a d'an dut wao leve. Blavzmat d'astrolayou, zo, pa de bla, ur labourat, evit lakat bué, bazantolek. Kalz labour zo begret, boe walan, war renchou zantolek, a babourk. Ur postiou tredan, babourk, zo be ten kuit, a pel keror e bourk, bremañ. Babla, dauvil trizek, vo gret, nebetor a labourio. Oa l'air vo gwelet. Bremañ, ma peswan, tostet eus un dol, evit chak al an tamm bouet, hag evan un banar evit ur blaneve. Blavzmat an ol. Et on reprend, phrase à phrase, ce dialogue des vœux 2013 de Mike Arménet. Arménet, qu'est-ce que je raconte? De Mike Arménet, la mairesse de Zandtolk. Il y a pas mal de mairesses dans le canton. Hein. Oui. Calac, Zandtolk, Penévé-Quintin. Guingamp aussi. Guingamp. C'est plus grand que le canton, mais oui, voilà. Ouais, il y en a pas mal. Ouais, ouais. Ouais, on est assez féministe par ici. Ouais. D'accord. Voilà. Alors, tu de Zandtolk, me mignonne. Oui, Jean de Zandtolk, mes amis. Kals abligeadur, meus, o tegemer a ranor, ban tiker, vid ar bla neve. Voilà, j'ai beaucoup de plaisir, hein, kals abligeadur, meus, o tegemer a ranor, ban tiker, à vous recevoir dans la mairie, hein, un tiker la mairie, pour la nouvelle, ar bla neve. Blavez mad a la randor, tout vid ar bla neve, ar blavez daouil trezek. Donc voilà, je vous dis blavez mad à tous, pour la nouvelle année, donc l'année 2013. Blavezmat d'Ariazo, Chom, Amant, Bouépelzo. Voilà, alors bonne année à ceux qui habitent ici depuis longtemps, le fond de la population. À Darénévé et Ruet, Bazantolek. À Darénévé et Ruet, et aux nouveaux arrivants, donc à Zantolek. Blavezmat d'Antadoukos, d'Armamoukos. Alors, bonne année aux grands-pères, aux grands-mères. D'Antadou et d'Armamou. Aux pères et aux mères. D'Arvugale. Aux enfants. Dare yoan. Aux jeunes. Dare gos. Aux vieux. Dare zotrendo. Et à ceux qui sont entre les deux, ouais. Parce que souvent, il y a le club des jeunes, le club des vieux, mais ceux qui sont entre les deux, il n'y a rien, quoi. Alors, il les signale quand même. D'accord. Blavezmat da labourerien douar. Voilà. Alors, bonne année aux agriculteurs, aux paysans. Hein. Dans dut war wicher. Aux gens qui sont sur leur métier, c'est-à-dire un peu tout le monde, hein, finalement, en dehors des agriculteurs, qui ont un état autant qu'un métier. Hein. Ah, dans dut war olévé. Et aux gens en retraite. Dut war olévé, et les gens sur leur rente. Hein. Voilà. Blavezmat d'astrolage. Alors, bonne année aux associations. Azopader bla ou la bourrade vid lakat bué ba Zandtolk. Oui, qui travaille toute l'année pour animer Zandtolk. Lakat bué est un maître de la vie. Hein. Voilà. Kals a labour, azo begret, boe war lene war un chou Zandtolk. Oui, alors comme tous les maires, bien sûr, après, elles passent au bilan. Hein. Donc, un peu d'autosatisfaction. Voilà, beaucoup de travail a été fait l'année dernière sur les routes de Zandtolk. À Babourg. Et dans le bourg. Arpot. Postiou-Trédan. Ar postiou-Trédan de Babourk, azobe tenet, tenet cuite. Voilà. À Pelkeror et Arbourg, vraiment. Voilà. Donc, les poteaux électriques dans le bourg ont été enlevés. Donc, on appelle ça l'effacement des réseaux. Hein. Voilà. Et le bourg est beaucoup plus joli maintenant. Pelkeror et Arbourg, vraiment. Voilà. Babla au Dauville Trezek, Vaugret, Nebetor à la Bourio. Voilà, alors dans l'année 2013, on fera moins de travaux, ne betor laborio. Hein, c'est l'année, la dernière année du mandat, donc... Bon. Les gens, ils aiment bien quand il y a des travaux, puis en même temps, ils n'aiment pas. Oui, puis Et puis après, quand il y a les travaux, s'ils n'aiment pas. Oui, puis là, les caisses commencent à être un peu vides, donc il va falloir recharger. Hein. Bah, oui. Waller, vos goélettes. Waller, vos goélettes, hein, ça c'est l'échéance électorale de 2014. Hein. Ah, oui, ça sera pas partout pareil. Hein. Voilà. Vraiment, ma peusrante, tosteig d'un dôle, vite chacal un tamboued, à gevar banar vidar blaneve. Voilà, alors maintenant, si vous le voulez, approchez-vous de la table pour... Alors, chacal un tamboued, hein. Chacal c'est mâcher, hein, mais on... là il y a un peu, une petite pointe d'humour, hein, pour manger un peu, et puis évobrant, hein, et boire un coup. Alors, banar, hein, souvent on dit, ici on dit bar, hein, plus court, hein. Mais on dit banar aussi, hein, et vidor blanévé pour la nouvelle année. Blavez maddenol. Blavez maddenol, bonne année à tous. Troisième partie d'émission, c'est Thierry, Petra Zonévi Ervro. Petra Zonévi Ervro, calze drau et velchus boer vejdi ouzan. Krogom de diantan et vel custum, gandela bour douar hag vu et war armez. Krogma de ur blad o viltriz eg bremañ, hag blad tremenet eus oa om l'air. Krog e deja un dejou de hir ad un tamm, hag mondoran war zu un eve amzer. Matezen, vo amzer yin c'hoaz, a skorn a er matrezen, med memestra mondoram war zu un eve amzer, a ben dao vizan me vo echu ur gwan kalet bopret. Kal ze gude nou evo, puis yon komz de ze labour douar, kal ze gude nou evo, e blam an c'hoaz war dach en labour douar. Un deel, oa manifestadeg, hein, ba naunet, manifestadeg zaver yon lonet, evit goul vef ebet de inga le gwellar en zikourio over roet gant ur pak, aver roet muur de re ar aet, se realie en galak, vit de re zo sevel lonet. A goul ur agne eze evel just gant bro Europa dreistol, zo labourad war dachen ur pak de zon, ur pak neve. Der mat velard ur pak neve, met, chan sur an trou. War dachen la bourdou ar oas, goulet zo bet o naose evit lambik breiz, evel zo non vid o halvados, ba vro Normandi. Hag or gevridigez zo hoborze, zo bekrou et vize, strolad ur seite germinik, galeg association de 17 hermin. Evit kaz war og ur aktrez. Am ave otret ze gant nie nao, naosez vo laket war pem departement de Breiz historel de la rede vo Liger Atlantel bajeu. Skrivet zo bet an ur mod resiz, pez vo c'hed ober e vid kaout e naose. Kaier a hargou, ha, vel ar, da, kaier des charges in galak. Pez a mod vo dibab de naval, pez a mod vo kasse de gwe, pez a mod vo gre de lambik. Hag dis vo kavet lambik gant de naose braiz. War ma me stachen an tamm, gevridig ez zo un dro de dinan a mordu de la pomme, un eus laket war dro de ba dinan pez ve greder pol fruitier, evit studian a brudan, frouez breiz, dreistov en aval o evel just, hag ur strol alze un eus digor un evesso lerien war roi dat. Setu vo moyen don de vel, hein, pez ve gret gante war dachen frouez hag un aval o dreistol. Bon dam on tam war dachen un ekonomi eus. Diez a manchou zo ur mar eman gant un liziri. Plusieurs vraiment et hat from d'or post ag dreistol un mot de zibab liziri a vraiment ve casse tout de liziri de zibab de horizon ma peu soin de gaz au lizard de don din az au chom taldar ye lizard beta horizon rog don wayis oh pi wayis ag gojel evel juste pevige da square pevige casse don lizard de spurut don denel de spurut Nec de liseur me bit à la rue, on a, dont de ré du stud d'hier. vraiment, on va casser de roison, à ta de burule, ouais, ou à l'air. À zéro, 30 kilomètres d'or, hein, vide d'or au nord, vége. À gazézo, et viel juste, calze, énergie, dispille, de vimante, bénéfine. Mais dissement entre eux, vraiment. Va en que sa mode vos grades mais de zézo ben dis ce chambre aux roi hein bon à cet iso zo tambo cudé nous vraiment dans les irio là ca on tombe madame zorvé jog dans rose roux plusieurs on comme de lisir hier comme je vais cal zermar et mande de un internet divin uel au débit, puis tremblant roise de ce gal, pesvelard, une galag, très haut débit, une début, une ultrée. Ag, un traunin qui voit le clair, tant me béloirzé, puis dur, l'air VR, de rester là, de vos graines en drasé, quand leur stallio, réseau CRIR en drasé, elle veut juste, l'air, ne ce que de tiemme de air, de rester là de vos graines quand strola de Parisio à grande Parisio à 10 heures et bower vos pauvres rois 10 heures bête vraiment on va encaper sans mot de vos graines mais lui une bas des trous marrément dans mon temps moi voir tâche une zivina dur de à de dien temps voir tâche une embraison nec ne ce que belzo ou habite de Vincent Payon le ministre d'un disque à dur stade de Brace évite de combs de Zirac 13 évite d'un disque à dureuse, à vide de scolio. À goules au bégantan, pétras au névé ou ardache en braison d'oc. À il répond chez un disque clair, ne voir un nabu là-bas ou un affaire. Ça. Puis dur ne l'art trop, béléfine, zolu et noir, ouais. Père Maille, hein, président de Cusul Général Pell Orbit, zo bé pels clair, or, il répond chez dans Gazette en Ouest-France, Neveso, Neuslaret, Krakastrak, et évitant en présent de Goriez, de Zenambs en Dramenet, Goriez marre déjà, puis Hunter Var, bon, ben, hag, de d'aller que de boire, au beurre strivou, et vide raidbu, et d'ayadare. Hag, yvel juste, dit pite de bras, et bite, calze du de son labour à doire d'achen, en présent, gant de Homjouzin. Évitez, évite un dut sur la bourre à doire braison, donc, bah, département de peine orbite, et, entre les belles justes, n'est que dans braison, donc, on droit de l'acad, bah, nos myrdis benecket, mais de riez, vide esquel, vide cad d'arrempré de gonne un dudel, entre le de business l'art et Pierre Maille. Calze dut, vel André Lavenant, de square, de ce casse de Lisirio, hein, André Lavenant de ce casse de Lisir d'Igor, de Pierre Maille, Ag André Lavenant, zo bet zouet tre, a dipit et gant pez oalar et gant Pierre Maille. Mi, virion, le nom ke be gwal zouez en gant ze, jur, on kustumoir de gletra au sens, hein. Peve hanave d'histoire jacobine, bon, et rentrellement, mais je vais faire besoin, juste, cléné, tivin en présent, bon. Un dernier vu, on de ce politicour, il y a une braise, vers le bro, France, Hendel, ce jacobinet, jacobinet, rup et jacobinet gwen, mais, warzin, de ce que calze force, plus dur de ce que calze divor, bénéfine, trader. A Govich, eru, uloir, war, ce que le, penou bronze, et retait dis qu'il y a une jacobine morte. A que, zézo cause, avec les sortes conches au ganté. Plus dur en compte de son présent, de grande de la cad, trop, sclère en tombe, vraiment, y a, vipézelard et pierre maillard et on dra fin tu soir, plus dur, wabellard et déjà, quand Ernest Renan, quasi même je conche, ni wallard, une langue, assez vécue, à trop, à galard et, juste pézelard à vraiment, pierre maille. Ah, c'est au pelzo, vous voyez. Hag, au square anel, roas pe oabe kisien de halzeve le nebrag, nebrag e riez yusevien, hein, l'hébreu, hein, in galak, pe oabe kisien d'orbre de ze riez ve ou benefin, pu dur nebrag de vijek et d'implige d'ovil lasso be vi de religion, hag, pe oabe d'jonge de halzeve le riez, vid bout d'implige de vid orbu et pem desek benefin, ou à Bélard, une grande case, j'ai que Bimoy en Oberzé, puis dur, Nebrag, ouais, on y est, c'est un homme sœur Dreménet. A que Perugen là, ou à l'air, Végoel, et une plus jeune, BMD, Nebrag, grand tut, Evel leur yézel. C'est tous au moyen de Halsey, Evel leur yéz, Mamus, Péveran, Mar, Péranter, Var, Vela fait, Pierre Maille. A que, on dra en de Zlar et de Pierre Maille, case d'en de Zlar, Bélefi, Auguste fait ridier, hasé velariez, riez bête discaret. Gouscoudi, en mescol di ouiezeng, n'avait que paix et mûr, vide en mescol ouiezeng. Aga vugal et, zo barlas ou di ouiezeng, et vel juste de goustan que tira, vide vugal et elle. Aga c'est de gaf que tin, zo orgue de ner en bana farze. Mais, pétrarid, tissement orvué. Gouscoudi, pévé comme de, de ce zévinadur, zotro, avec grève, me mestra, non, que de, bout de rédu, me mestra, on me spirejou, d'un square, en de rayon de but square, yo, erstal cop brace, de zimban, ne vaisseau, un album, hag zo, dioublard, en bars, diouar ben, or warez et guadec, ma trezen peut se mécler, vous savez, hag zo, warez et guadec, hein, Anastasie, Eugénie, à Maïvon, hag zo barz ter ar kanawenu de Chilao. Hag on tam lever zo vid gant displega durio, testeni de stud an eus ber an av de warez et gwadek, hag hendel homjou en brezonek hag en galak. Vansi ma peswan an de zis ki kanawenu kanet gant de warez et gwadek. E ben, e braor vraiment. Bon, il bande zo bé des vaisseaux, l'évrigel, roi, l'évrigel, ne ce que mante de vel quand de roarise de Gwadec, et, gaurig, notre seguin, trop du war conta d'un Alphonse Daudet, quand Loïc Campion, Alphonse Daudet, nous a scrive de la chef de Monsieur Seguin. Hag, il bande des quand, nalar, un de Gustac Merouer Euro, hag, c'est, d'un temps raison, donc de laine, Dreystol vide à Vugral, et Couscoudé, on a fait notre histoire. N'a fait gawar notre ou seguin. Bon, les vaisseaux, vite chom, mon entend, moi, zon eres, ou abélide, d'un vla, strolat, canfar de rostren, bazal, or guélio, bar rostren, ou agred, or fes d'onze, hein, vide, li dansé. Agar, strolat, ze, ou abét, crouet, babla, d'ouze, gatriugun, quand on eut bas de, quand il y a la zone air, il y a des œuvres. War un dash en elle, vraiment, war un dash de cinéma, film René Vautier du War Ben Brezel en Algérie, avoir 20 ans dans les Aurès. Zobé de Han Nevezet, hein, des vaisseaux, Han Nevezet de Skeden ou Ag Erzon, Ag René Vautier, ou à Zo i kruer af filmse, des laret var bit zuet bras, og felpigen bra var død de film, vraiment, à la les lard doit dispar l'arbre ou begrel ou un drôder films ag bon romans vos moyens plusieurs films ou divin monde de velnan pour appel romans ou moyen vos moyens d'un dit velnan bon cal je trouve fait bien de la rose mais de gwel rand et tram le noms ag benavigel volar rose a kenavo l'arme d'arc chiloé en arcabé tiens norvégien kenoiri